ma vie, trop de souffrance dans ce soi-disant doux pays où la violence règne. L'influence des jeunes réside dans nos HLM. En bas c'est toujours la même merde. Chaque jour est différent mais les problèmes se ramènent à l'appel. J'ai de la peine, j'appelle à l'aide, personne n'est là pour soulager ma haine. Tout seul, je construirai mon règne, les deux pieds dans l'arène. Je m'amène, me ramène sans armée. J'ai le courage, je serai sans pitié comme un guerrier. Le poids sur la balance est déséquilibré, c'est vrai. Mais sur papier, je donne tout ce que j'ai. 80 kilos de tristesse à porter. T'inquiète, je me laisserai pas emporter. Seul l'amour naturel pourra m'emporter. Avant ça des trophées, je souhaiterais remporter. De vous, je me suis déporté. Je suis vraiment désolé. Je dépose ce texte en signe à la paix. Fini les armes, y'a que mon compromis qui est chargé. Je vais te décharger, sur la bonne voie me suis rangé. Même pas à me déranger avec des coups qui me feront pas manger. Je compte pas finir mes jours enfermés sans pouvoir pisser nicher. Je souhaite garder mon intimité. Personne pour m'intimider. Je parle peu, tu me vois peu, je suis toujours discret. Je garde ma timidité envers les gens. Je prends du recul pour mieux prendre l'élan et te péter les dents. J'suis pas fou, non. J'tiens toujours debout, dédicace. Mon fontaine palace, dont la crasse réside avec la classe. Là où les couleurs se mélangent facilement. Au fil du temps, on apprend sur les gens, c'est fascinant. Je rappe depuis peu, c'est pas facile. 2009, fini les portes. Des fossiles, les meufs sortent à poil, un talon aiguille. Ouais, une fontaine palace. Toujours halte sur le terre-terre, je représente les frères de galère. Moitié carlamif, les fumeurs de PR. Le cerveau à l'envers, t'inquiète poto, on baisse toujours le commissaire. Toujours halte sur le terre-terre, je représente les frères de galère. Moitié carlamif, les fumeurs de PR. Le cerveau à l'envers, t'inquiète poto, on baisse toujours le commissaire. Mon son est sobre, toujours produit dans un coin sombre. Ça richir pour devenir plus fort. Jour et nuit, je fais tant d'efforts. J'appelle mon souffle, mon calme et de toutes mes forces. Je veux briller, atteindre le plus haut sommet. Finir ma vie au soleil, j'en trouve pas le sommeil. Entre rêve et réalité, ça dure depuis des semaines. Des larmes de sang coulent jusqu'à mes semelles. Dans la rue est plus chaude que dans un sauna. Pour toi, dis-moi qu'est-ce que t'as. Tu mets fin à tes jours, vas-y, ressaisis-toi. Fais le bon choix, l'âge de la force, c'est bien moi. Je vais faire le bien, mais je le fais mal, je comprends pas. Toujours hal sur le terre-terre, je représente les frères de galère. Moitié carlamif, les fumeurs de PR. Le cerveau à l'envers, t'inquiète poto, on baisse toujours le commissaire. Toujours hal sur le terre-terre, je représente les frères de galère. Moitié carlamif, les fumeurs de PR. Le cerveau à l'envers, t'inquiète poto, on baisse toujours le commissaire.